tu manges un bonbon. Sur l'anda, t'as congo, le mouton me chauffe les bonbons. Arrête de faire le tonton, je t'en coupe toi et ton fake. Tu peux venir toi et ton frère, un peu d'argent, un peu de vue. Tu oublies le mal qui t'ont fait, t'as tout perdu. C'est tout ce que t'as gagné. Les jaloux qui me critiquent se cacheront au vel à gagner. Chip dans la banette, moulade dans la banane. J'suis au volant, j'mets les palettes, le moteur fait un bout de malade. Fais pas le BG, car froid comme en Norvège. Je montre pas ce que j'ai, juste n'a pas la MG. Muet devant l'OPJ, ils essaieront de te piéger. N'oublie pas la Team J, compliqué cap à la Belgique. Ouais, ouais, ouais, faire des belins compi Didi. C'est ça le rêve quand t'es petit. Toi avec le cœur, en restant compétitif. J'suis la vaillance comme Mohamed et Joe Petit. J'ai mis sur bête, bête, bête. Les gants, le casque à rails sur la tête, tête, tête. J'ai le bouc en commande, tu me fais un pet, pet, pet. Mon cœur, si tu me fais du mal, moi j'te jette, jette, jette. Par la tête à faire la fête, avoir des folles pour le fun. Depuis que tu fais des sous, j'ai l'impression qu'on m'écoute sur le fun. Par le fun, ouais, alors la forme, c'est jamais la femme, on sait jamais la vie. Pour l'instant, je suis toujours au microphone. Tu fais les empreintes dans le quartier, à faire courir les brigadiers. Ça veut te faire la fosse, ça prend des gadgets. C'est pour les belles vies, c'est pour les grands jeunes. Tu fais les empreintes dans le quartier, à faire courir les brigadiers. Ça veut te faire la fosse, ça prend des gadgets. C'est pour les belles vies, c'est pour les grands jeunes. C'est pour ce qu'ils font les belles, mais que c'est des cagettes. Ouais, c'est toujours la plus morte qui nique la soirée. Mon pote, j'ai mal à la tête, donc s'il te plaît arrête. J'te parle en face, ouais, au moins c'est carré. Camouflé dans la galerie, jour de vie ça fait pas rire. Moi plus rien n'est pareil, j'vais plus au resto à Carrie. T'as fait le con, t'as fait des trous dans les comptes. Après t'as ramené d'Alicante, t'es devenu un trafiquant. Et ta bande c'est des shows, pour toi les gens se déchèvent. Tu t'attires des gros soucis à t'en rendre chauve. Et tu connais la loi, jamais tourner le veston. Et fais gaffe, celui qui trahit c'était ton fiston. C'est devenu un fils d'eux, il a collé des gens. Il a le mauvais de toi, ouais, il est devenu méchant. Dédicace à mes potos, ce qu'on fait des choses pour moi. Y'en a qui attendaient des choses à la fin du mois. Ouais, j'suis pas les gens, moi t'es vice le faire ta mère. J'gamberge sur le scoot des quartiers sud au quartier nord. J'prends le rond-point, j'frotte la béquille, je suis de travers. Coupe-moi la route, j't'exclus, tout est mort. J'suis pas roulé parce que j'en avais un. Elle voulait monter avec moi, c'était un avion. J'ai dit non, j'ai lié mis un vent. Parce que j'ai Chiquita à la maison. Tu fais les empreintes dans le quartier, à faire courir les brigadiers. Ça veut te faire la pousse, ça prend des gadgets. C'est pour les belles mises, c'est pour les grands jeunes. Dans le quartier, à faire courir les brigadiers. Ça veut te faire la poisse, ça prend des gadgets. C'est pour les belles mises, c'est pour les grands jeunes. Wesh l'équipe, on casse tout. Un petit verre pour faire la mala. Tu vas nous voir de partout. Que des vrais, les faux sont pas là.